dans un magasin de livres, je crois que tout ce qu'on pouvait faire, nous l'avions fait. Oui. Nous avions vraiment tiré tout ce qu'on peut de cette situation. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de nous orienter sur un élément nouveau, qui est la confrontation de tout ce monde-là avec la nature. C'est ça. Cette nature, naturellement, est une nature de banlieue. Nous ne sommes pas chez les Iroquois, nous sommes chez un bon libraire de Paris, et ça se passe tout simplement ici, à côté, au bord de la Marne. Mais les arbres, l'eau et l'environnement, et cette espèce de facile poésie de la banlieue, les ponts de chemin de fer, les tas d'ordures, et tout ça finit par devenir l'élément le plus important de la fin du film, et Boudu se noie là-dedans, se fond là-dedans, s'assimile. C'est en somme le retour à son véritable milieu. Et au fond, cette introduction de la nature, Jean Renoir, elle est dans presque tous vos films, et c'est vraiment une suite de sentiments de la nature qui reviennent, comme ça. Peut-être, hein, mais en tout cas, ici, je crois que ça s'imposait, parce que il y a entre le personnage de Michel Simon dans Boudu et le dieu Pan, oui, une grande parenté, ce sont des cousins germains. Oui. N'est-ce pas, Boudu, c'est un personnage de la mythologie grecque. Et un personnage de la mythologie grecque, on ne le voit pas enfermé dans une petite boutique des quais. Fallait le sortir, fallait le mettre sous les arbres. Fallait le mettre avec de la vraie eau, une vraie rivière et des vrais arbres. Et au fond, Boudu est une pièce qui date de 1919, donc pour ne pas choquer la morale du théâtre de boulevard de l'époque, René Fauchois a fait une fin qui ne correspond pas au personnage de Boudu. Cette espèce de mariage forcé ne correspond pas. Et au fond, vous avez fait de Boudu un mythe beaucoup plus grand en faisant que le dieu Pan vient semer le trouble dans la famille fort charmante de M. Lestingois et repart dans la nature, dans la mythologie. Oui, et un billet de loterie gagnant et beaucoup d'argent, ce n'est pas suffisant pour séduire le dieu Pan, pour lui faire oublier ses fonctions. Oui, ça c'est une idée d'Américain, d'imaginer qu'un billet de loterie peut faire descendre les dieux sur la terre et les y faire rester. En tout cas, notre Boudu n'y reste pas. Notre Boudu retourne dans son élément. Alors ça nous... Avec les chiens, les chèvres, n'est-ce pas, à la fin, on a mis une chèvre à côté de lui, parce que avoir un animal qui est là et avec lequel il s'entend parfaitement, c'est extrêmement important, à mon avis. Il fallait un animal pour terminer ce film. Et là, le côté de la noce aussi, comme ça, qui chavire, c'est un petit peu aussi un thème qui revient chez vous, parce que dans Le Déjeuner sur l'herbe, il y a comme ça, tout d'un coup, cette espèce de flûte, ce joueur de flûte, et ce vent qui se lève, et cette espèce de... cette vie qui se désorganise de plus en plus. C'est un peu... Ben oui, ben c'est très séduisant, n'est-ce pas ? Oui. On se laisse aller à des petits dadas, des petites manies comme ça. Mais c'est toujours chez vous, c'est pas du non-conformisme, c'est simplement que vos personnages ont une telle dimension qu'ils peuvent pas s'adapter à un cadre trop étroit et que tout ça éclate, parce qu'il y a une vie là-dedans, il y a le dieu Pan qui est toujours là. Merci. Nous sommes arrivés alors à cette scène inédite de Boudu sauvé des eaux, du moins cette scène que ni Michel Simon ni Jean Renoir ne connaissaient, puisque René Fauchois, semble-t-il, avait écrit plusieurs versions de Boudu sauvé des eaux. Je pensais que cette scène les intéresserait, elle avait tout de même certaines qualités, mais cela ne leur est pas apparu tout de suite. Et ils sont partis dans une parodie assez extraordinaire, Michel Simon jouant le plus faux possible, Jean Renoir le suivant sur cette voie, et tout s'est terminé dans l'éclat de rire général et dans des conversations à bâton rompu qui n'avaient plus rien à voir avec Boudu. Nous allons tout de même vous faire entendre le résultat de ma tentative. C'est moi, Boudu, qui te ségrène de bien vouloir t'élever par l'esprit sous ma direction. Tu es un bon maître. Je fais ce que je peux. Mais j'y mets tout mon cœur. Oh, c'est une réplique pour nouvelle, ça. J'y mets tout mon cœur. Ta femme dit que tu n'as pas de cœur. Laisse-la dire. C'est une andouille, elle. Non, Boudu, c'est Madame Lestingois. Je te demande pardon. Il n'y a pas de quoi. Et un cocu, dis donc. Qu'est-ce que c'est ? C'est un homme. C'est pas croyable. C'est extraordinaire. Molière, alors, qui est un grand homme, c'est aussi un grand cocu ? Oui, mon ami. Aussi. Et toi, Edouard ? Moi, je ne suis pas un grand homme. Mais tu es quand même un cocu. Il m'est permis de le croire sans vanité excessive. J'ai un petit cocu. Un autre sujet de conversation pourrait avoir tout autre d'utilité et d'agrément pour nous deux. C'est pour devenir moins bête que je t'en... J'entends bien. J'aurais voulu encore te questionner là-dessus. Fais donc. Moi, est-ce que je le suis ? Quoi ? Cocu ? Bien que tu sois homme, boudu, comme Molière et comme moi, toute conjecture à cet égard serait sans doute prématurée. C'est pas vrai. Moi, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Oh, c'est une bonne conclusion. Oh hein. Oui, oh oui. Ah, oui là, j'ai le vertige. Ah, je comprends qu'elle ait fait claquer la porte après avoir vu le film. Oh là là, tout s'explique. Il avait des pensées cachées. Fauchois n'a pas reconnu son personnage, et là, il reprend les deux personnages, et comme il les fait s'exprimer, c'est qu'il n'a rien compris à la comédie qu'il avait écrite 20 ans ou 30 ans. Non, parce qu'il y a une chose... Non, après, il y a une chose qui s'est dit. C'est... Il y a la scène où il lui raconte quand il veut rejoindre Anne-Marie. C'est ça que je voulais que vous arriviez à donner. On n'arrivera jamais. Non, il y a... Non, mais c'est moi, je demande un supplément. Je demande une rallonge. Ça. Non, le... Alors, ce sont des... En ce moment-ci, je dois dire que cette lecture de cette pièce me remplit plein de... C'est beau, la Marseillaise. Hein. Oh là là, il n'y a que ça. Non, cette lecture me remplit, me donne du respect pour le cinéma. Oui. Parce que tout de même. C'est pas pensable, c'est pas croyable, c'est ça. Quelle révélation. Hein? Oui, parce que tout de même, avec un chant dont les mots ne veulent rigoureusement rien dire, qui est sur les bords de la rivière, au cinéma, ça suffit comme texte. Ouais. On fait quelque chose avec. Et votre réplique, tiens, voilà, qu'est-ce que tu fasses avec ça pour t'acheter du pain au gars qui conduit une voiture de course. Il n'y a pas besoin d'ajouter un chapitre. Non. Il y a le personnage dans une réplique. Alors. Mais en tout cas, Boudu, il n'y a pas d'erreur. Boudu, c'est pas un auteur. Boudu, c'est une espèce, je ne sais pas, vous avez été inspiré, Michel. Et le mot inspiré, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire du tout. Oui, ça veut rien dire. J'avais du plaisir à jouer avec vous parce qu'on s'amusait. Peut-être. Si ce n'est pas un jeu, notre métier, ça devient la pire des servitudes, non ? Ah, c'est le bagne. C'est le bagne ? Oui. C'est la honte. C'est la prostitution. La prostitution. Et encore la prostitution, on ne fait que de se laisser couvrir par des messieurs. Oui. Après tout, c'est assez supportable. Et qu'on choisit souvent. Quelquefois. Pas toujours. Pas toujours, mais enfin, sur 10, il y en a 4 ou 5 qui sont intéressants. C'est possible. Et puis, souvent, ce sont ceux qu'on ne choisit pas qui sont les mieux. Oui. Parce qu'on se trompe. On a des surprises. On a des surprises. Eh bien, les gens qui n'ont pas à exercer cette profession ont du mal à nous suivre. Oui. Il faudra peut-être commencer un petit cours. Oui, il faut faire un cours. Non, parce que... C'était Léo Gabal qui avait transformé le Sénat en cours pour le séduire. Demoiselle désirant se livrer à la prostitution. Oui, mais vous savez, les îles Léo Gabal, ben oui. On ne les trouve pas tous les jours. Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues, les îles Léo Gabal. Ils n'iraient pas loin. Oh non. Non, d'abord, ils se feraient écraser parce qu'ils ne sauraient pas travailler. Ils ne connaîtraient pas le vert, le rouge, les clous. Ils ne connaissent pas tout ça. Bon, c'est déjà un ravissant d'image. Et le gamin se faisant écraser à l'âge de 16 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Boudu, il redevient un peu à la mode parce que les jeunes risquent d'y trouver une espèce d'ancêtre du beatnik. Mais le beatnik, c'est un peu un Boudu dégénéré, non ? Un petit peu la bohème d'aujourd'hui. Moi, je crois que les jeunes trouvent dans Boudu... Un idéal qu'ils ont toujours eu. On a toujours rêvé d'être libre et on a toujours rêvé d'être assez fort pour supprimer, pour mépriser les biens de ce monde. Ce monde n'est pas assez fort, on peut pas, mais on voudrait bien. Oui. Et chaque génération recommence. En réalité, on pourrait faire un film aussi extraordinaire que Boudu sur un personnage comme Saint-François d'Assise, par exemple. Ça pourrait se ressembler beaucoup. Oui, mais si on faisait ça. Oui, pourquoi pas. Tiens. Oui, hein? Oui. On le fait. Oui, c'est ça. Je vais piocher le truc. Oui. Je vais brocher le truc et dans 4-5 mois, je reviens avec une idée. Ah oui. Oui. Ah oui, je voudrais faire ça avant de rendre les clés. Oui. Surtout que vous avez déjà tous les oiseaux autour de vous. Oui, et puis alors les oiseaux, ils comprennent ça tout de suite. Parce que il y a une chose, tout de même, qui est rare dans ce personnage, c'est l'importance qu'il donne aux animaux. Ça, c'est très important. C'est merveilleux. Moi, je connaissais un clochard autrefois que j'avais pris en amitié, à qui j'ai donné beaucoup d'argent parce qu'il avait une bonne tête avec un nez de poivreau. Ah, oui. Il était en plus de sa pleine santé. Ah. Il vraiment, c'était pas la paresse ou bien une déchéance physique qui pouvait le conduire sous les ponts. Il ne voulait pas travailler. Et alors je lui donne 20 francs, ce qui était beaucoup à cette époque en 1922-23. Oh, il dit, oh mon prince. Il regardait cette coupure de 20 francs. Et je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais me saouler la gueule, qui dit. C'est pas merveilleux. Et puis est venu 4 heures. Et à 4 heures, Michel Simon a dit maintenant, on s'arrête. En effet, on nous a préparé deux merveilleuses tartes faites à la maison. Et tout le monde s'est mis à dévorer à belles dents la tarte comme on en mangeait chez nos grands-mères autrefois. Et vraiment, il n'était pas question de s'interrompre. Plusieurs fois, j'ai fait remarquer qu'il pourrait reprendre l'enregistrement, que vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire, mais non, le rite du goûter était très important pour Michel Simon, et il avait bien raison. Pendant ce goûter, il y a beaucoup de bruit, nous avons tous mastiqué avec beaucoup d'appétit, et cela s'entend. Et puis, la conversation était vraiment à bâton rompu. On ne peut pas vous faire entendre tout ce qui s'est dit, parfois parce que les oreilles pourraient être choquées, d'autres fois parce que le son était inaudible, mais il reste quelques bribes et il nous semble que c'est un document assez amusant, assez exceptionnel même. Jean Renoir a publié cette année, vous le savez, un livre qui s'appelle « Les cahiers du capitaine Georges » aux éditions Gallimard. Michel Simon avait reçu l'ouvrage avant notre venue, et il en avait lu déjà quelques chapitres et était tout à fait enthousiasmé. Au cours de ce goûter, la conversation en est venue sur cette lecture. Je t'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi, je suis accroché comme ça, parce qu'il y a une histoire qui commence, bon, il y a des épisodes, on se dit, ah tiens, c'est celui qui va tuer la jeune fille, celui qui va tuer son bébé, il y a quelque chose qui va prendre. Non, là, il n'y a rien du tout. Il y a des histoires de chiens. Oui, ben, les chiens, c'est tellement plus important que les gens qui vont tuer la jeune fille. Les chiens sont trop importants. Et alors, pour le drame. Son drame d'amour, il y a six lignes. Il y a six lignes et on passe au clébard tout de suite. L'important, c'est qu'on vient de donner un drame humain, non? Oui. Et après, on se tient à la façon de chier des clébards ou des tapis qu'ils arrachent, des trucs comme ça. Ah oui, mais après, vous allez découvrir Agnès, il y a un personnage, une grande histoire d'amour. En fait. Ah oui, ah, une histoire formidable. Oui, fin, une boîte, une femme. Quand tu durais comme ça, ça me plaisait. C'est vraiment génial. Non, oui, d'avoir à vous le dire, mais enfin, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de raison que je ne le répète pas, puisque vous êtes là. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment génial. Oui, j'en parle partout. T'étais accroché. Bon. Isaac Clavel qui vous accroche, c'est parce qu'il y a tout de suite un mécanisme au départ, non? Il y a un hameçon, quoi. Paf, là, y a... Mais c'est formidable, vous allez voir peu à peu l'histoire d'amour qui commence. Ah, oui. Oh là, à la fin, on pleure. Oh, l'héroïne meurt. De la même façon. De la façon désintéressée avec les chiens. Les... Ah ouh. Non, après il s'accroche. Hein, bon, c'est-à-dire que. Le... Non, à dire la vérité, je crois que la fille dont je me suis souvenu, à vous, je peux bien le dire, quand la guerre de 14 s'est terminée, en 1918, mon père était âgé et j'étais encore officier de cavalerie. Suffisamment blessé pour que je puisse donner ma démission. J'ai donné ma démission et très gentiment à la direction de la cavalerie, ils m'ont mis chef de la censure à Nice pour que je puisse être près de mon père qui habitait à côté de Nice. C'est gentil. Alors, tout mon seul travail consistait à lire les dernières éditions des journaux et à empêcher que l'on explique que légalement Monaco et Monte-Carlo appartiennent à la France et ne devraient pas être une principauté séparée. C'était ma seule consigne. C'est marrant, hein? C'est énorme. C'est énorme. Alors, comme j'attendais, c'est dans mes tirages de journaux longtemps, j'allais au café et je connaissais les putains qui faisaient le trottoir. Et il y en avait une qui était grosse comme cette table. Elle avait été porteur dans une famille d'acrobates de cirque. C'est elle qui était dessous. Elle était énorme, forte, avec des muscles comme ça. Et c'était elle qui était dessous, et toute la famille lui grimpait sur les épaules, sur les bras, une pyramide. Elle supportait tout le monde. Elle avait eu une déchirure de muscles. Elle ne pouvait plus le faire. Et comme elle voulait tout de même ne pas être à charge de sa famille et apporter un peu d'argent à sa vieille mère, eh bien, elle faisait la putain. Et alors, elle gagnait assez d'argent parce qu'il y avait beaucoup d'Américains à ce moment-là. Et les Américains étaient attirés par cette femme énorme, musculeuse et tout. Elle avait une âme d'enfant, une âme de toutou, une âme de petit chien. Et c'était mon personnage, cette femme. C'est merveilleux. Dans le bleu jusqu'au firmament. Les étoiles, j'ai tellement j'ai joué, j'étais à l'aisin quand ma profession était celle de tuberculé de l'armée suisse, ce qui me permettait de vivre assez médiocrement. Entouré de médecins, d'appareils de contrôle. Et alors un jour, le ça ne devait pas être drôle du tout. C'était affreux. Et j'avais les dents du midi pendant 4 ans devant moi. Un jour, j'ai collé du papier pour plus voir les dents du midi. Et quand je les vois sur une carte postale, je deviens fou. Les dents du midi, ah, mais c'est une montagne. Ça, je vous comprends. C'est abominable. Il y a une autre chose qui est aussi con. Ah oui. C'est la vue sans premier plan de l'océan. Ah oui, mon Dieu, c'est affreux. C'est aussi con que la montagne. C'est con comme l'année. Ah oui. C'est con comme l'éternité. C'est ça, c'est con comme l'éternité, voilà. On dit ça finira jamais. Voilà. C'est Paulhan qui disait toujours, on dit toujours les montagnes grimpent, et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas elles descendent? Il dit la base est beaucoup plus importante que l'eau. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, un jour, le Parti Socialiste de Dessin me dit, oh, pour fêter le 1er mai, on va faire quelque chose, vous ne pourriez pas dire des monologues. Il dit, si vous voulez, je vous écris un drame. Et dans l'après-midi, j'ai écrit un drame, intitulé L'usine. Il y avait un acteur belge qui disait, monologue, je l'engage. Il avait eu les pieds coupés, le pauvre. Alors, il s'appuyait toujours contre quelque chose pour ne pas tomber. Et on nous fait jouer ça sur un billard. J'ai mis des planches sur un billard. Il y avait une petite table et une chaise. Et il se tenait comme ça avec l'idée qu'il allait se casser la gueule en tombant du billard. Ça donnait du pathétique à l'histoire. Mais comment ça fait ça? Et alors j'avais écrit ce drame en 5 actes pour faire rigoler le public. Il y avait le grand-père infirme qui était dans un fauteuil. Il y avait le père qui travaillait dans une usine. Il y avait la petite fille de 16 ans qui était séduite par un contremaître, qui était enceinte, qui se jetait à l'eau. Et il y avait le contremaître dégueulasse et il y avait le patron de l'usine. Et je dis, pour que ça aille dur d'une bague, ça passe. J'avais fait un pire rideau de théâtre sur un marche à balai, et puis je le déroulais comme ça, j'ai une grimace, je présentais le personnage. C'est pas croyable. C'est ravissant. Alors, on a improvisé tout ça. Et je jouais le rôle de la fille séduite. Le copain jouait le rôle du contremaître. C'était à la blague, on improvisait. Et on finit sous des hurrahs frénétiques. Et puis, on va dans la cuisine, se démaquiller, changer de fringues et tout ça. Et puis, un monsieur très sérieux qui me dit, « Oh, il faut que vous veniez jouer cette pièce à Lausanne. » À la Maison du Peuple de Lausanne. C'était quand? Ça se passait en 1919. En 1920. Vous aviez 20 ans. J'avais 25 ans. Mais je lui dis, mais c'est pas une pièce. Alors, il me dit, c'est formidable. Puis alors, pour la propagande, oh, dites-vous, là, qu'est-ce que vous leur pensez? Ça avait pris un ton tragique parce que le gars avait une gueule tragique. Il avait toujours peur de tomber. Il avait pas mal picolé pour se donner du courage et j'avais joué la comédie. C'est drôle. C'est merveilleux. Et c'est après ça que vous avez rencontré les Pitoïefs. Oui, oui, après ça. Moi, j'aimais beaucoup ce livre. Je continue à l'aimer bien. Je trouve. Vous avez lu D'un château l'autre ? Non. Dans D'un château l'autre, oui, oui. Il y a une scène d'officiers prisonniers qui vont à l'enterrement d'un autre officier prisonnier. Ils sont tous en Allemagne. Et ils traversent toute l'Allemagne dans un train qui avait été construit pour le sultan Abdulhamid par Guillaume II. Et c'était un train entièrement à la turque, avec des glands, des rideaux, des trucs, n'est-ce pas ? Et ils emportent, au départ ça va bien, il ne fait pas encore trop froid, et ils emportent un drapeau français pour mettre sur la tombe de cet autre gars mort. Et ils commencent à avoir froid. Alors ils commencent à arracher les rideaux, à arracher tout. Puis finalement, ils arrachent le drapeau pour s'en faire une couverture. Et ce drapeau les emmerde, le manche est trop long, il ne rentre pas dans le compartiment. C'est une description incroyable. Et alors ils arrivent finalement pour l'enterrement et tous les officiels les attendent et ils débarquent avec leurs oripeaux, avec les bouts de rideau, la banquette autour de... Un sens du grotesque épatant. Ouais. Eh bien, moi, je me suis brouillé avec lui d'une façon absolument grotesque. À vous aussi. Oui, parce que on me demande si je vais enregistrer ce truc, et combien je veux. J'ai dit, oh, pour Céline, pour rien. Je lui ai dit, mais je répète, en ce moment, une pièce, c'est les dernières répétitions, et je pourrais être là qu'un dimanche. Alors, ça a commencé à 10h du matin, à 3h, je devais être à la répétition. Et puis à 3h moins 10, je n'avais pas fini l'enregistrement. Et puis voilà qu'il y avait ceci à dire, bête comme un chien. J'ai dit alors ça, je regrette, je ne dirais pas bête comme un chien. Je l'ai supprimé. Pourquoi pas bête comme un chien ? Parce que les chiens ne sont pas bêtes. Les chiens ne sont pas bêtes, ils sont très supérieurs. Et puis c'est surtout s'il y a quelqu'un a le droit de juger un chien, c'est un autre chien, mais pas un homme, jamais. Non ? Oui. Et on a commencé à s'accrocher là-dessus. Il était outré, puis j'ai dit, moi, c'est à prendre au laisser, j'ai pas de contrat, je fais ça bénévolement, pour rien, si ça va pas, je m'en vais. On m'attend pour un travail sérieux, je vais au théâtre. Oui. Puis alors, ça s'est fait, mais il était révolté, outré, il m'a pas dit au revoir, bon, pas de merci. J'ai fait ça à lui, pour lui, et puis on m'a apporté un sandwich à 2h de l'après-midi. Ça faisait 10h que je les connais, dans son truc, on m'a apporté un sandwich à 2h de l'après-midi. Ah oui, je l'ai revu, Oui, je l'ai revu 5-6 ans après. C'est pas sérieux. Ça m'a... C'est un côté... Un côté enfantin. Enfantin. Ouais. Mais Arletty m'a dit l'autre jour qu'il avait encore un roman inédit de lui qui va sortir. Ah. Bête comme un chien. Qu'est-ce que ça veut dire, bête comme un chien ? Dites-moi bête comme un général. Dites-moi bête comme un général. Non, il y a 1000 exemples, comme un académicien, comme un chef d'État, il y a 1000 exemples. Il y a la seule comparaison. Mais pas bête comme un chien. J'étais là pour la plaque de Colette, la place Colette, le discours de ce grand cours, comment ça s'appelait déjà ? Il s'est vu dans le Figaro. On a eu ça. Et la comtesse de la. Non, de Dieu, la comtesse de la. C'était bien ? Pas croyable. À poil ? Non, non. Impossible à foutre à poil. Non, parce que je vois. Même pour un quartier pauvre, les bicots de la chapelle, non, vous non. Pas. Peut-être un bico aussi. Et un langage académique incroyable. Je disais encore. Il y a encore des gens qui écrivent et qui parlent comme ça, mais alors ils sont. Il y a une rue. Ils ont une rue. Il y a une rue, mais. Une rue avec un marchand de tabac qui s'appelle Manière. Oh, c'est Manière. Oh, c'est joli. C'est bien. Et après, on est allé dans la maison de Colette. Elle a regardé l'air. Et puis, je parlais des Goncourt. Il dit, oh, faut pas les troubler, maintenant, ils bouffent. Oui, parce que quand on vient d'un enterrement, on va bouffer. Ben. Et quand c'est au Père Lachaise... C'est gay, non ? Quand, oui, et quand c'est au Père Lachaise, on va en face où on mange des moules. Je ne sais pas pourquoi. C'est curieux cette association des moules et de la mort. C'est drôle. Hein, c'est drôle, hein. Oui, on sort du Père Lachaise, en face, il y a des gars qui vendent des moules avec du vin blanc. Eh bien, le seul qui a dit des choses intelligentes, c'est peut-être le conseiller municipal. Ah oui ? Conseil municipal. Comment ça s'appelle ? J'ai parlé très, très affectueusement, des choses gentilles. Il a compté à excuser Colette pour certains de ses ouvrages, qui étaient malheureusement le reflet d'une époque. C'est pas vrai. J'ai rencontré Cary Grant à New York. C'était incroyable, cette exposition de New York en 1939. Et puis, il me voit, il me reconnaît. Il était avec une femme. Il se lève, là, il bouscule la table. Il y a une coupe de champagne, une bouteille de champagne, un seau qui tombe par terre. Et il arrive, il me dit, je viens de voir la chienne. C'est pas incroyable. Il sortait de voir la chienne. Puis alors, je l'ai revu, tu sais, c'était extrêmement sympathique. Je l'ai revu en 45 dans une boîte à Paris. Puis je sais pas ce qui s'était passé. En 45, les gens, je sais pas, ils s'étaient fusillés entre eux. Il y avait des survivants, il y avait des morts, c'était une confusion. Ouais. On disait, moi, souvent, on m'arrêtait, on me disait, mais comment on vous a pas fusillé, vous, après tout ce que vous avez fait, des choses comme ça. Alors, je m'étonnais plus, finalement, je restais là, je descendais. Juif, communiste et collaborateur. Je me suis régalé, moi, de 39 à jusqu'à 48 encore. On sait qu'il y a eu quelques responsables, dont j'étais en 39 déjà. J'étais avec Léon Blum, un des responsables du désastre de 40. Dans une brochure « Les Juifs au pouvoir », mon nom figure à côté de celui de Léon Blum, en même caractère. Dans, au palais antisémite, au palais Berlitz, exposition antisémite, ma photo dans les mêmes formats que celui de Léon Blum. Quand je suis revenu avec mes papiers d'Arien en 42, alors la propagande Staffel a édité une autre brochure, c'était l'heure du Kremlin en France, j'étais à côté de Maurice Thorez. Incroyable, hein? En 45, je me dis, bon, c'est fini, je vais pouvoir travailler, parce que pendant 4 ans, je n'ai rien pu faire. Et alors, non, collaborateur, j'ai envoyé mon curriculum vitae, je me réclamais de ma qualité de juif et de communiste, parce qu'en 45, c'était bon. J'étais champion, on avait gagné. Non, eh bien non, collaborateur. L'humanité, c'est de la merde. Toute l'humanité. La foutre aux chiottes. Ils sont pas bons. Ça sert à rien, c'est inutile, ça. Non, qu'est-ce qu'on fabrique, à part des armes, qu'est-ce qu'on fabrique? Les voitures, c'est la même chose pour tuer les gens. Pour les déchiqueter, le repos de la semaine, on fait des voitures et des routes pour que les gens s'entretuent. C'est vrai? Le jour de repos, ils s'entretuent. Je ne vois pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que quand on est sur une autoroute spéciale, on ne voit rien du tout. On respire un mauvais air. Oui. Le plaisir est assez mitigé. Oui. Alors la seule excuse, c'est sans doute le meurtre, n'est-ce pas? Le meurtre ou le suicide. Pour le suicide, ce qui est plus valable. Oui. Alors, quand il y a, en général, du samedi au dimanche, il y a entre 100 et 150 morts. Mais, il y a 1500 mutilés. Oui. Tous les dimanches. Oui. Alors, ça fait 1500, ça fait 15 000, 18 000 par an. Oui. Bientôt, il n'y aura plus que des mutilés. Non? On va tous finir avec des jambes de bois. Et ça commence à se voir dans Paris. Des gens qui ont comme ça, ou là, un bras en moins, une main en moins, une jambe artificielle. Ouais, ils feront tout sauter ça avec la bombe atomique, de toute façon. Oui. Tout ça disparaît. Oui, mais ça traîne. Avec Michel Simon, nous sommes dans l'univers de Céline, un Céline au naturel, un Céline qui parle dans la vie comme Céline écrit. Aussi, nous pourrions écouter maintenant une chanson enregistrée par Céline lui-même, une chanson de Céline. Je te trouverai charogne un vilain soir, Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car gonfle m'importe. Au malfrat écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. Depuis des veilles que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va pas louper l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'offre m'apporte. Au malfrat écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanis te suffoquent par ta bélie. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coup de fil que je vais tourner dans l'araignée. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'ourfe m'apporte. Au malfrat écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine au trou cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine, le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'offre m'apporte. Au malfrat écrase que le vent emporte. Tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini. Et maintenant, nous allons quitter l'extraordinaire maison de Michel Simon, ses ménates, ses perroquets, ses oiseaux, ses animaux et son univers familier pour retrouver Jean Renoir, qui au cours d'une récente émission de télévision nous a parlé de ses lectures, de ses goûts et de ses rapports avec le cinéma et l'adaptation de livres au cinéma. Je pense que la littérature a joué un rôle dans votre vie, puisque je pense, on vous imagine comme quelqu'un qui lit beaucoup et qui s'intéresse à tout. J'ai l'impression que vous devez... Vous devez vous intéresser autant à la littérature qu'à la peinture, ou qu'à la gastronomie, enfin. Oh, c'est évident, je n'ai pas de... Je suis le contraire d'un spécialiste. Et au fond, manger un bon plat, on parlait tout à l'heure de riz persan, eh bien, un bon plat de riz persan, ou déguster un livre, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose. Les moyens physiques sont différents, mais l'enrichissement de l'esprit est peut-être le même. Et vous avez eu des périodes où les livres ont joué un rôle plus important pour vous? Oh, quand j'étais jeune, plus important que maintenant. Maintenant, je lis très peu. Vous relisez peut-être? Oui. Oh, je n'en suis pas encore arrivé au point de haute civilisation où on ne lit qu'un livre et le même, on le recommence tout le temps. Oui. Je vous ai dit l'autre jour que Gabrielle, le modèle de mon père, n'avait qu'un livre, c'était Don Quichotte. Oui. Elle ne voulait pas en lire d'autres. Quand elle avait fini, elle recommençait. Et ça venait d'est-ce qu'il en avait lu beaucoup d'autres avant qu'il n'avait pas intéressé ou il était tombé par hasard sur Don Quichotte ? J'ai l'impression qu'elle était tombée par hasard sur Don Quichotte, elle l'avait lu, elle l'avait aimé, et elle s'est dit, puisque je l'aime, pourquoi pas m'en tirer là ? Continuons. Elle était plutôt bien tombée. Oui, elle avait de la chance. Elle avait de la chance, mais non, c'est pas de la chance. Elle était comme ça, elle tombait toujours bien. C'était un être extraordinaire qui était attiré par tout ce qui est bien. Elle aurait pu, après tout, poser pour d'autres peintres que mon père. Non, il a fallu que ce soit mon père qui la fasse poser. Et tout était comme ça chez elle. Elle allait droit vers ce qui est bien. Est-ce qu'on ne retrouve pas ce trait de Gabrielle dans Agnès, l'héroïne des cahiers du capitaine Georges, qui, elle, ne lit que les misérables ? Oui, oh, bien sûr. Il y a beaucoup d'elle. En effet, Agnès est un personnage que j'ai connu, mais j'y ai mis un peu de certaines personnes que j'ai bien aimées, comme de Gabrielle. Je ne dirais pas enrichi, parce que quand on ajoute, on croit qu'on complique, mais au contraire, je crois que ça aide à simplifier. Et Agnès est un personnage qui ne vit plus maintenant, étant donné que l'action se passe au début du siècle. Et je le regrette, je voudrais bien qu'Agnès soit vivante. J'irai la voir et je lui demanderai de me conseiller sur bien des points. Vous iriez dans ce petit village où elle tenait la caisse de la quincaillerie de son mari. Voilà. Je m'assierai dans la quincaillerie et je lui demanderai de me raconter des histoires. Mais est-ce que vous croyez que ça existe encore, des personnages comme Agnès ? J'ai l'impression que l'innocence d'Agnès, ça ne se trouve plus, des personnages comme ça. Je crois que ça se trouve. Oui ? J'en suis convaincu. Je n'ai pas l'impression que les êtres humains changent tellement. Extérieurement, tout change, mais intérieurement... Naturellement, on change. Nous n'avons pas les réactions de nos arrière-grands-pères des cavernes. Mais ça met beaucoup de temps à changer. Et je ne crois pas qu'il y ait une grande différence entre les Agnès d'aujourd'hui et mon Agnès des cahiers du capitaine Georges et d'autres Agnès des temps modernes et même du Moyen-Âge. Je me demande s'il y a encore beaucoup de jeunes filles comme ça qui viennent de la ferme et qui se mettent à découvrir ou Les Misérables ou Don Quichotte. J'ai peur qu'aujourd'hui elles découvrent les magazines féminins à la place. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que Agnès est un personnage existant et facile et que l'on peut parfaitement imaginer devoir rencontrer au coin de la prochaine rue. Simple, pour une simple raison aujourd'hui, c'est que nous sortons du romantisme. Le romantisme n'a pas comporté d'Agnès, pas plus que l'époque de la psychoanalyse. Agnès est en dehors de tout ça. Agnès est un personnage beaucoup plus naturel. Mais il est évident que Agnès est l'opposé de Madame Bovary. Je crois qu'il y a un auteur qui vous a marqué. J'aimerais bien qu'on en parle. Je crois pas qu'il soit sur votre, sur votre table. Non, j'ai même pas. On n'a pas. C'est Céline. Vous m'aviez parlé de Céline l'autre jour. Ah oui, c'est un. Voilà un personnage passionné. Je l'aime parce qu'il est passionné. D'ailleurs, chaque fois que nous sommes rencontrés, nous nous sommes disputés comme des chiens. Pourquoi il n'aimait pas ce que vous faisiez ? Ah, oui, non, il n'aimait pas du tout mes films et ce que je faisais. Ça lui déplaisait beaucoup. Et il me considérait comme un personnage dangereux. Et moi, je l'admirais beaucoup. Alors je lui répondais en lui disant « Je vous admire. » Et pourquoi il vous considérait comme dangereux ? Je sais pas, comme ça. Une idée. Et le coup... Vous savez, c'est bien les gens qui ont des idées, même si c'est pas justifié. Ça vaut mieux que de ne pas avoir d'idées du tout. Ah, c'était pas un personnage très logique, je crois. Non. C'était pas très cartésien. Non, mais enfin, on lui doit quelques grands livres. À mon avis, le dernier, D'un château à l'autre, c'est prodigieux, c'est fantastique, c'est une épopée. C'est même... Ça appartient... Alors, nous parlions d'époque. Être du passé ou du présent, ça n'a pas d'époque, ça dépasse les époques. Et vous avez découvert Céline avec Le Voyage au bout de la nuit ? Oui, bien sûr. Alors là, c'est tout simplement parce que tout le monde en parle. Et vous n'étiez pas heurté par le désespoir, par le côté misérabiliste de l'œuvre de Céline, enfin ? ça me semblait, étant donné que je sentais très bien ce qui allait arriver, on sentait que ça allait craquer, on sentait qu'il y aurait sinon une guerre, tout au moins quelque chose de très désagréable qui nous pendait au-dessus de la tête. Pour moi, c'était tellement l'expression de mes propres angoisses que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces livres m'ont tellement touché. Le voyage au bout de la nuit, au fond, c'est peut-être un des livres de l'histoire de la littérature où on sent le plus l'approche d'une catastrophe abominable. Ah, absolument, c'est Cassandre. Et à cette époque-là, vous étiez, vous, engagé dans une action plus sociale et plus politique à cette époque-là, vous aviez... C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je n'avais qu'une idée, c'était non pas de trouver des moyens, parce que j'étais un simple individu et beaucoup trop faible, mais enfin, c'était de voir des gens se dresser contre Hitler. Je savais très bien que ce monsieur allait bouleverser l'Europe, faire beaucoup de mal, et c'est pas, j'avais été à Berlin et j'avais vu. Alors ça m'avait frappé, si tous les Français avaient vu ce que j'ai vu à Berlin, je vous assure, il n'y en a pas... les idées de beaucoup, c'était différentes. J'ai vu des choses abominables. Des gens maltraités, giflés, mis par terre. Enfin, incroyable. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez tourné des films, vous avez tourné La Marseillaise ou... Oui, La Marseillaise correspond exactement à ma réaction devant les atrocités d'Hitler. J'avais l'impression que les idées apportées par la Révolution française, après tout, nous vivons dessus, et j'ai l'impression qu'elles étaient en péril. Et vous avez suivi à ce moment-là l'itinéraire de Céline, et vous avez continué à le suivre, à lire ses autres livres, ou est-ce que vous êtes un peu détaché de lui ? Je me suis entièrement détaché de lui, parce que les problèmes qui s'imposaient à l'esprit de chacun n'étaient pas des problèmes littéraires, c'était des problèmes bel et bien à la vie quotidienne. Mais ensuite, lorsque la guerre a été finie, je suis tombé sur d'un château à l'autre et j'ai retrouvé Céline. Oui. J'ai retrouvé Céline avec une joie extraordinaire. Est-ce que vous avez compris, enfin, ses erreurs ou son itinéraire assez surprenant pendant la guerre ? Oui, je l'ai compris du fait que c'est un passionné et que les passionnés, bien souvent, se trompent. Oui. C'est un dilemme. Si on n'est pas passionné, on ne fait rien. Et quand on est passionné, souvent, on se trompe. Alors voilà, il vaut peut-être mieux risquer de se contrer, de se tromper et être passionné que de rester neutre et d'admettre tout et de ne jamais marcher, de ne jamais perdre la boule. Faut perdre la boule. Faut faire comme Faulkner qui ne sait pas ce qu'il écrit lorsqu'il a bu 3 bouteilles de whisky. C'est ça. Puisque Jean Renoir nous a parlé de Céline, écoutons un extrait du Voyage au bout de la nuit, lu par Michel Simon. Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi que je me disais encore pour se faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée quand s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi, on repasserait peut-être Place Clichy en triomphe. Un ou deux seulement qui survivraient. Dans mon désir, des gars gentils et bien balancés derrière le général, tous les autres seraient morts, comme le colon, comme Barousse, comme Vanaille, une autre vache. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe, on entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Et ça suffirait. Ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. Ben c'était à recommencer. Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de chose. Quand on en a, mourir c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort tardive. Dans 20 ans, 30 ans, peut-être davantage, à celle qu'on me voulait tout de suite, à bouffer de la boue des Flandres à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu'aux oreilles par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors, où aller? Droit devant moi, le dos à l'ennemi. Si les gendarmes ainsi m'avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes. Partout nous passions. On aurait joué avec moi la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l'estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé, 12 balles, plus une. Alors, après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un hameau de ferme. C'était un avant-poste à nous, celui d'un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qu'on m'annonça. Tous vivants. Et moi qui possédais la grande nouvelle, le colonel est mort, que je leur criais, dès que je fus assez près du poste. C'est pas les colonels qui manquent, comme répondit le brigadier Pistil, du tac au tac, qui était justement de garde lui aussi et même de corvée. Et en attendant qu'on le remplace, le colonel, va donc, hé, carotte, toujours à la distribution de bidoches avec ampouille et cuir d'encuf. Et puis prenez 2 sacs chacun, c'est derrière l'église que ça se passe, qu'on voit là-bas. Et puis, vous faites pas refiler encore rien que les os, comme hier. Et puis, tâchez de vous démerder pour être de retour à l'escouade avant la nuit, salopard. On a repris la route tous les trois, donc. Je leur raconterai plus rien à l'avenir, que je me disais vexé. Je voyais bien que c'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là. Qu'un drame comme j'en avais vu un, c'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareils. Qu'il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que 8 jours plus tôt, on en aurait mis sûrement 4 colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d'un colonel, comme c'était arrivé. Ben, des abrutis. C'était donc dans une prairie d'août qu'on distribuait toute la viande pour le régiment, ombrée de cerisiers, brûlée déjà par la fin de l'été. Sur des sacs et des toiles de tente largement étendues et sur l'herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaille, sointant en ruisselets ingénieux dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l'arbre, sur lequel s'escrimait encore en jurant les 4 bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse, et de rognons surtout, au milieu des mouches, comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore, et partout, à travers l'herbe, en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà 4 hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. « C'est toi, Yvendu, qui l'a étouffé hier, la loyau !» J'ai eu le temps encore de jeter 2 ou 3 regards sur ce différent alimentaire, tout en m'appuyant contre un arbre, et j'ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes 2 sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas. Et nous reprenons maintenant la suite de l'interview de Jean Renoir. Est-ce que vous aimez lire des livres avec illustrations? Pas spécialement. J'ai même l'impression que j'aime mieux les livres sans illustrations. J'en veux un peu à l'illustrateur de me couper ma collaboration avec l'auteur. Ouais. Vous savez, j'ai une théorie. C'est très ambitieux d'avoir des théories, je m'en excuse. Mais que ce soit à propos d'un film, d'un tableau, d'un livre, de n'importe quoi, je crois que une œuvre de qualité n'est de qualité que si elle permet au public de collaborer. Le public doit devenir aussi l'auteur. Si le public n'est pas l'auteur de l'ouvrage, ça n'intéresse personne. Si on leur donne une nourriture toute mâchée, trop précisée, ça n'est pas bon. C'est le défaut de beaucoup de films, n'est-ce pas, où on dit tout, on précise tout. C'est une très grande erreur, à mon avis. Maintenant, le difficile, c'est que ça n'est pas non plus très bon de déterminer volontairement ce que l'on veut laisser dans le vague et la pâture que l'on veut laisser pour le public. C'est bon si ça vient malgré soi. Mais alors, ce que vous dites là va contre les adaptations de livres au cinéma, parce qu'en général, justement, on mâche la besogne, on met en image un livre pour que les gens n'aient pas d'efforts à faire. Remarquez, j'ai moi-même porté des livres à l'écran, mais je suis contre. Je ne crois pas que ce soit une très bonne habitude. D'abord, si le livre est un grand livre, on est gêné parce qu'on respecte trop l'auteur. Donc on n'a plus de création, puisque l'auteur a tout créé. Il a tout dit. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à modeler les caractères. Si les caractères sont déjà modelés par un grand bonhomme, qu'est-ce qu'on vient faire là? Il vaut mieux aller se coucher et dormir. C'est une occupation très intéressante. Mais là, vous... Oui, Ce qu'on adapte plus facilement, alors, en somme, ce sont les mauvais livres ou les livres qui ne sont pas très bien achevés. Exactement. Je suis tout à fait en faveur de l'adaptation des mauvais livres à l'écran. Et ça, les mauvais livres peuvent faire de bons films. Les mauvais livres peuvent faire de bons films. En réalité, les très grands films, les films qui resteront, beaucoup d'entre eux, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'entre eux étaient inspirés par des ouvrages secondaires. Mais alors, Madame Bovary a dû vous poser des problèmes. Madame Bovary m'a posé des problèmes affreux. J'étais constamment en train de prier Flaubert de me pardonner, de lui dire « je te trahis, excuse-moi, mais je ne peux pas faire autrement, n'est-ce pas ?» Et il ne faut pas trop m'en vouloir. Enfin, c'était un dialogue qui était passionné et en même temps extrêmement désagréable pour moi. Vous n'avez pas cité non plus Zola dans les livres de votre vie, alors que vous avez commencé, je crois, votre premier film sur Zola. Oui. C'était Nana. Ah oui, j'adore Zola. Peut-être l'ai-je moins lu que Stendhal, parce qu'il est plus près de moi. Zola, c'est un peu l'histoire de l'impressionnisme. Zola était très près de mon père, était très près de Cézanne, bien qu'il n'ait pas compris Cézanne du tout, mais enfin, il s'aimait bien, tout en ne se comprenant pas. Enfin, Zola est un être tellement familier pour moi que j'ai oublié de vous en parler, c'est tout, parce que je le connais trop. Et Maupassant, parce que vous avez fait la partie de campagne. Ah, mon Dieu, celui-là, je l'adore. C'est un être merveilleux. Voilà un vrai conteur. Voilà, le conteur qui trouve moyen d'être absolument absorbé par son sujet, par l'entourage, par le paysage, par les caractères, par les personnages, de s'oublier lui-même, et pourtant de rester tellement personnel que chacun de ses contes est presque comme un dialogue direct. Et c'est drôle parce que Maupassant est passé par une période où on l'a considéré comme un auteur mineur en France, oui, plus qu'en Amérique ou qu'en Russie. Ah oui, ben j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, qui est mineur, qui ne l'est pas, n'est-ce pas, nous ne sommes pas à l'école où on va mettre, il y a le premier, il y a le deuxième, toi tu as 10 sur 20 et toi tu as 4 sur 12, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce que vous préférez de Maupassant? Qu'est-ce que vous conseilleriez de lire à quelqu'un qui n'aurait jamais lu de Maupassant? Il doit y en avoir d'ailleurs aujourd'hui déjà. Peut-être, moi je conseillerais La Maison Tellier. Oui. Je trouve que c'est à la fois grandiose et truculent. Je suis tout à fait en faveur de ce conte. Pour moi, c'est une histoire merveilleuse. Ça dépeint la ville, ça dépeint la société de l'époque, ça dépeint Rouen et la campagne. Et puis, la description est parfaite. On se trouve cette charrette sous le soleil avec ses filles, n'est-ce pas ? On y est. On a chaud. Mais il n'y a pas chez Maupassant quand même l'arrière-plan qu'on trouve chez Dostoïevski. Ah, bien sûr que non. Il y a tout de même une différence là de mais bien sûr que non, mais Dostoïevski, écoutez, je ne peux vous dire ce que je pense de Dostoïevski que d'une façon, c'est en vous disant que je le mets au même niveau qu'Andersen. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait retrouver des traces d'Andersen dans vos films, dans votre œuvre? Peut-être. Mais oui, c'est évident. D'ailleurs, j'ai fait une petite marchande d'allumettes qui était directement inspirée d'Andersen. Seulement, en réalité, je crois que ce que j'ai fait au cinéma est plutôt inspiré par ce que je voyais autour de moi, par la vie directement. Enfin, j'ai essayé. Je ne crois pas que la littérature m'ait beaucoup influencé au cinéma. Et est-ce que vous avez... Peut-être la peinture m'a plus influencé, mais encore pas directement. Ça m'a influencé du fait que je suis le fils d'un peintre et je voyais de la peinture quand j'étais gosse. Si j'étais le fils d'un boucher, ben je m'y connaîtrais en viande. Étant le fils d'un peintre, ben j'étais environné avec des tableaux, j'ai l'habitude des tableaux. C'est une question uniquement d'entourage. Voilà, cette émission est terminée. Nous espérons que vous avez pris le même plaisir que nous à l'entendre, car il est assez rare de pouvoir réunir deux personnages comme Jean Renoir et Michel Simon. Et nous avons essayé de vous rendre l'atmosphère de cette rencontre, et aussi, bien sûr, puisque c'est le but de cette émission, de vous recréer l'univers d'un très grand film, d'un très beau film que l'on reprend heureusement souvent à Paris, c'est Boudu sauvé des eaux. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une dernière histoire sans images avec René Clair qui nous lira un scénario inédit qui s'appelle Air pur, scénario qu'il avait commencé à tourner en 1939 et qui fut interrompu par la guerre. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, Boudu sauvé des eaux, avec Jean Renoir et Michel Simon. Assistante de réalisation, Annie Cœur-Devet. Cette émission a été diffusée la première fois le 17 septembre 1966 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. You'll always find me near the man with the horn. Find me there from dark until dawn. That's the place where music is born. Divine. Just listen while he takes his solo apart. Watch him close his eyes from the start. Hear that music pour from his heart. So fine. So sweetly he plays and says it so well. Completely in the mood for music and love, just forget the stars up above. For my friend, you'll find you'll be drawn to the man with the horn. Just listen while he takes his solo apart. Watch him close his eyes from the start. Hear that music pour from his heart. So thank you. if you're in the mood for music and love, just forget the stars up above. For my friend, you find you be drawn to the man.